Chapitre 14. La fête de l'émir. Hier, au tomber du jour, un gamin sans chapeau, très grave, a parcouru les rues du village. Tous les 20 pas, il s'arrêtait et soufflant dans un coquillage énorme, dont la pointe cassée exprès forme embouchure, il en tirait une sorte de mugissement prolongé et mélancolique. Puis il faisait le cri, prologue de la fête, et les gens, non moins graves que lui, l'écoutaient. J'ai reconnu Gantôme, qui, Dieu sait au prix de quelles intrigues, a obtenu que, pour un soir, on lui confia les fonctions de héros. Ce matin, par les sentiers blancs qui rayent le flanc des montagnes et descendent au vallon pour remonter ensuite vers le Puget, hommes, femmes, enfants viennent des villages voisins en caravane. Le Puget s'apprête pour les recevoir dignement. Les agneaux crient, les brebis bêlent. Dans toutes les cours, sur toutes les portes, des bouchers improvisés, bras nus, le couteau aux dents, saignent, écorchent et dépaissent. L'hospitalité se complique de glorioles. C'est à qui hébergera le plus d'amis, de parents lointains, et tandis que ménagères et servantes dressent les tables, montent les broches et entassent la braise autour des marmites, les peaux clouées, fraîches et sanglantes, sur la façade de chaque maison, apprennent à l'admiration du passant le nombre des bêtes qui vont y être mangées. Des coups de fusil, des chants d'église. « Courons !» dit Gantôme. « La bravade !» Les pénitents apportent le saint qu'ils sont allés chercher en pompe dans la montagne. Ils ont orné l'immémorable statue de grappe de raisin nouveau. Sous son brancard, d'où pend une étole, les enfants passent et repassent, sûrs par ce moyen de devenir forts et courageux. Et en avant de la procession, les jeunes gens, pour honorer le saint, font parler la poudre. Après, on le ramènera là-haut, à la chapelle solitaire, qu'il habite toute l'année, debout sur l'autel et regardant de ses yeux de bois par l'étroite fenêtre grillée à travers laquelle, parfois, quelques rares pèlerins jettent un sou. Le roc qui domine la chapelle, violet de lavande au printemps et gris dès le mois d'août, sous sa couche d'herbe brûlée. La nuit nous promet d'autres joies. Après le souper, qui a lieu à 8 heures, selon l'usage, il m'a fallu, en compagnie de M. Gazan et de Norette, aller voir les danses. J'espérais un bal. Pas du tout. Ici, les femmes ne dansent pas. La danse est un exercice viril, réservé aux hommes. Sur 2 rangs, portant des épées, au son du tambourin, à la clarté des torches, une 12aine de gaillards, costumés bizarrement, ont d'abord exécuté un quadrille guerrier, à figures nombreuses et compliquées, que l'abbé Seb, par qui nous venons d'être rejoints, nous assure être la Pyrrhique. Puis, autour d'un mets chargé de longs rubans multicolores, croisant et décroisant les rubans, il combine d'un pas rythmé les plus gracieux entrelacs. Tout cela constitue un amusant mélange de rococo et de sauvagerie, comme le souvenir tant bien que mal conservé de galants divertissements organisés jadis dans ce coin perdu, âprement rustique, par une châtelaine éprise de Watteau. L'abbé Seb, grand païen malgré sa soutane, m'explique avec citations à l'appui que c'est là un jeu traditionnel apporté en Provence par les marins phocéens et représentant les détours du labyrinthe de Crète. Il explique tout, l'abbé Seb, mais il ne m'explique pas le turc, car c'est devant un turc qu'ont lieu ces danses. Un bel émir à barbe postiche qui, comme si la fête était donnée en son honneur, reste immobile, laissant les autres s'agiter avec une sérénité tout orientale. Et quel turban ! Un instant, je soupçonne Gantôme de s'être approprié pour la circonstance le couvre-chef d'Imber Pacha. Mais l'émir est de haute taille. Il ferait aisément deux Gantômes à lui seul. Et d'ailleurs, voilà dans la foule au premier rang, Gantôme très fier de porter une torche. On dirait que l'émir me regarde, fixant sur moi par intervalles ses yeux brillants que rendent farouches deux sourcils tracés au bouchon. Que me veut l'émir ? Sait-il mon faible pour les turqueries ? A-t-il deviné que je suis venue ici tout exprès pour chercher la trace des chevaleresques conquérants qu'inconsciemment il représente ? Au fond, quoi qu'en pense l'abbé Seb, avec sa manie de ne voir partout que Grecs et Romains, dans le rôle joué par cet émir barbu, je flaire à bon droit une tradition sarrasine. Il s'approche. Si je lui parlais. Mais Mademoiselle Laurette semble avoir peur. Elle déclare qu'il fait froid, qu'il faut rentrer. Rentrons pour obéir à Mademoiselle Laurette.